Je suis envoyé par Allah pour t'annoncer qu'Allah t'aime comme tu l'aimes en lui, dit l'ange. Muslim. 380. D'après Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit au sujet des Ansar, seul un croyant les aime, et seul un hypocrite les déteste. Quiconque les aime sera aimé par Allah, et quiconque les déteste sera détesté par Allah. Al-Bukhari et Muslim. 381. Mu'adh rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, Allah Azza wa Jal a dit, des chairs de lumière que leur environt les prophètes et les martyrs seront réservées le jour de la résurrection à ceux qui s'aiment pour ma gloire. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. 382. Abu Idris al-Khawlani rapporte, j'entrai un jour dans la mosquée de Damas lorsque je vis un homme le sourire constamment aux lèvres et entouré de gens. Lorsque ces derniers divergeaient sur une question, il le consultait et s'en remettait ensuite à son avis. Je me renseignai à son sujet et l'on me répondit qu'il s'agissait de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Le lendemain, je me rendis de bonne heure à la mosquée, mais je constatai qu'il m'y avait précédé. J'attendis qu'il termine sa salade puis me mis face à lui. Je le saluai et lui dis, « Par Allah, je t'aime en Allah. » Il dit, « Jure que c'est vrai. » Je répondis, « Oui, je le jure. » Il demanda encore, « Jure que c'est vrai. » Je répondis, « Oui, je le jure. » Il me saisit par le manteau, me tira contre lui et me dit, « Je t'annonce une bonne nouvelle. » Car j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire, « Allah Ta'ala dit, « Mon amour est acquis à ceux qui s'aiment en moi, qui se réunissent pour moi, qui se visitent pour moi et qui dépensent l'un pour l'autre pour moi. » L'imam Malik le rapporte dans son Muwatta avec une chaîne isnad authentique. 383. Selon Abu Karima, Al-Miqdad ibn Ma'di Karib, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si un homme aime son frère musulman, qu'il le lui dise. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan. 384. Mu'adh, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le prit par la main et lui dit, ô Mu'adh, par Allah, je t'aime. Et je te recommande de ne pas manquer de dire après ou à la fin de chaque salat, ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. Allahumma, a'ini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Hadith authentique, rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i avec une chaîne isnad authentique. 385. D'après Anas, radiyallahu anhu, un homme se trouvait avec le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'un autre homme passa. Le premier dit alors, « Ô messager d'Allah, j'aime cet homme. » « Le lui as-tu dit ?» demanda le prophète, alayhi salatu wassalam. « Non, répondit-il. » « Alors dis-le-lui, suggéra-t-il, sallallahu alayhi wa sallam. » Il le rattrapa et lui dit, « Je t'aime en Allah. » L'autre répondit, « Que celui pour lequel tu m'aimes, t'aime également. » Abu Daoud.